Louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, compagnons et suiveurs. Ceci dit, nous présentons ici une explication faite par Cheikh Docteur Mohammed Ben Omar Bazmoul Hafidahullah au sujet d'une soi-disant théorie qui fascine certains jeunes malheureusement. Elle fut élaborée aux années 70 par deux auteurs, Richard Bandler et John Grinder, et par la suite, lors de ce qu'ils appellent la troisième génération de la PNL, c'était un certain Robert Dilt qui tenta de rénover ses principes et techniques. Mais en vérité, cette approche baptisée la PNL, programmation neurolinguistique, avait fait l'objet de beaucoup de critiques dans la communauté scientifique en Occident même. Ici, Cheikh Docteur Mohammed Bazmoul Hafidullah l'évalue à l'aune de la croyance islamique et il montre comment elle la contredit. Nous rappelons aussi que d'autres savants avaient mis en garde contre cette démarche PNL, comme Cheikh Docteur Saleh Fawzan Hafidullah et Cheikh Docteur Saleh Suhaimi Hafidullah. Écoutons à présent l'explication de Cheikh Mohammed Bazmoul Hafidullah, puis sa traduction. تعليق على الهامش. هذه النقطة يا شباب هي الفرقان بين المسلمين المؤمنين وبين الكافرين فيما يسمى اليوم بعلم البرمجة العصبية. هذه النقطة. نحن أهل الإيمان أهل الإسلام نقول الإنسان قد يستطيع أن يغير شيء من نفسه ومن حياته، ولكن إيش؟ بتوفيق الله، بالرجوع إلى الله، باتباع أمر الله. فلا نقول أن الإنسان يملك، الفقير يملك أن يكون غنيا، الغبي يملك أن يكون ذكيا، المدري من نفسه بنفسه لنفسه لأمور عادية. لا، علم البرمجة العصبية اللغوية من أهم النقدات التي توجه إليه أنه ألغى جانب القدر، فليس فيه أن الأمور بقدر. هم يطلقون أن كل إنسان فقير يستطيع أن يكون غني إذا اتبع هذه الأمور، أن كل إنسان غبي يستطيع أن يكون ذكيا بهذه الأمور، أن كل إنسان غير ناجح يستطيع أن يكون ناجح بهذه الأمور. فهم جعلوها حتمية وجودية، ألغوا جانب القدر. هذا الفرق بين نظرتنا ونظرة الكفار الذين يتكلمون في علم البرمجة العصبية اللغوية، وهذا أحد النقدات القوية الموجهة إلى هذا العلم، أن العلم يلغي جانب القدر ويجعل أمور الحياة كأنها معادلات في التعامل بعيدة عن مقادير الله. ما في عندهم قدر. كلامهم في البرمجة العصبية، افتح أي كتاب من كتبهم ستراه يتكلم كيف تكون غنيا، كيف تصبح مشهورا، كيف تكون ذكيا، كيف تكون ناجحا، كيف تكون كذا، كيف، كل هذه عناوين كتبهم. ليش؟ لأنه عندهم الحياة معادلات عادية مبنية على الحتمية الوجودية اللي قررها جان بول سارتر الفرنسي، خلاص، أن الكون كله للإنسان والإنسان له أن يستمتع بهذا الكون بما يشاء كذا بالإطلاق. هذا الفرق بيننا وبينهم. نحن نقول من أراد الله له الخير والهداية هداه ووفقه وفق يعني الأمور الشرعية التي علمنا إياها الرسول، فلما يرجع إلى الله لا يملك إنسان كذا من نفسه بنفسه بدون الرجوع للأمور الشرعية أن يغير. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القدر والدعاء يصطلعان في السماء حتى تقوم الساعة، فبالدعاء، وهذا من الوسائل، بالعمل الصالح، بكذا بكذا. أما أن تترك هذا كله تجنبه تجلس تذكر لي أشياء كالمعادلات في الحياة وأنك بها تستطيع أن تغير كينونتك وحياتك اللي أنت موجود عليها في الحياة، هذا إلغاء لركن الإيمان بالقدر. فهمتوا؟ هذه إحدى المغامز القوية في موضوع البرمجة العصبية اللغوية، أنهم يتكلمون بطريقة يلقون فيها القدر، يلغى فيها أمر القدر. كذلك حينما يتكلمون في هذا، أخبرني بعض الإخوة جزاه الله خير خبر آخر، قال الآن يا شيخ أصبحت قضية البرمجة العصبية الهامش طال ما عليه. قالوا الآن يا شيخ قضية البرمجة العصبية اللغوية خلاص أصبحت شيء قديم. قلت له أجل إيش اللي صار؟ قال في شيء جديد الآن نزل ويعملوا عليه دورات. يقول كيف تعرف الشخصية من التوقيع؟ وبدأ ويعملوا دورات ويعلموا الناس يعني، وهذا مبني على أشياء نفسية، ردات الفعل صح مبني على أشياء نفسية، لكنه أيضا في تخرص بالغيب، وفيه ضرب من ضروب الكهان، فيه ضرب من ضروب الكهان، وفيه يعني تعدي على الأمور التي ما ينبغي الكلام فيها، تعدي على الأمور التي ما ينبغي الكلام فيها. وأي إنسان يجعل له الغراب هاديا، ها إيش رح يأكل؟ الغراب يهدي إلى إيش؟ إلى القمايم والجيف. هذا اللي يجعل له الغراب ويجعل الثقافة الأوروبية هي هاديته إلى طرق الحياة، ويطلب أن يكون ناجح، ويطلب أن يكون غني، ويطلب أن يكون سعيد بالثقافة الأوروبية، هذا هو مصيره، هذا هو مصيره. خلاص خلاص انتهينا من الهامش، نرجع فوق. Voici la traduction de cette explication où Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidhullah montre le statut de la PNL et qu'elle contredit des fondements de la croyance musulmane. Il dit Hafidhullah, ici nous ouvrons une parenthèse. Ô jeunes, ce point est ce qui distingue les musulmans croyants des mécréants en ce qui est appelé aujourd'hui la science de la PNL. C'est ce point. Nous, gens de la foi, gens de l'islam, disons que l'homme ne peut rien songer de soi-même et de sa vie si Allah ne lui accorde pas le succès et si lui-même ne retourne pas à Allah et suive l'ordre d'Allah. Nous ne soutenons pas que le pauvre peut tout seul devenir riche, que le stupide peut de lui-même devenir intelligent en déployant des causes ordinaires. Non. Parmi les critiques les plus pertinentes adressées à la science dite PNL, c'est qu'elle annule l'aspect du destin, al-qadar. On n'y trouve jamais que les choses dépendent de ce destin. C'est plutôt qu'il généralise que tout homme démuni peut devenir riche s'il se conforme à ses normes, que la personne idiote peut devenir intelligente grâce à ces choses, et que toute personne en échec peut aussi parvenir au succès grâce à ses règles. Donc, il postule une dialectique existentialiste et qui occulte le plan du destin. Ceci est le point de divergence entre notre vision et celle des mécréants qui traitent de cette science de la PNL. C'est vraiment là une critique judicieuse à son encontre. C'est que cette science écarte le plan du destin et elle avance que les questions de la vie dépendent de formules de comportement. Loin de ce qu'Allah décide, ils n'ont pas la notion de destin. C'est ce qu'ils enseignent dans cette PNL. Ouvre n'importe quel livre de cette approche et tu trouveras qu'ils parlent ainsi. Comment devenir riche? Comment devenir célèbre? Comment devenir intelligent? Comment réussir? Comment devenir ceci? Comment devenir cela? Ce sont les titres de leurs livres. Pourquoi? Parce qu'ils envisagent la vie comme des équations ordinaires, basées sur le principe de la dialectique existentielle que prônait Jean-Paul Sartre, le français. Que l'univers entier appartient à l'homme, et que celui-ci a le droit de jouir de cet univers comme il veut. Ainsi dans l'absolu, c'est là où réside la différence entre nous et eux. Quant à nous, nous disons ceci, celui à qui Allah veut le bien, il a guidé, il le guide et il lui accorde le succès selon les conditions légiférées que le messager nous avait enseignées. L'homme n'a pas la latitude de changer quoi que ce soit de lui-même et sans recourir aux conditions légiférées. Le messager N'avait-il pas dit que le destin et le dua, l'invocation, se disputent dans le ciel jusqu'à la résurrection? Donc le dua fait partie des causes, ainsi que les bonnes œuvres, et ainsi de suite. Mais que tu délaisses tout cela, tu le mets de côté, et tu me cites des choses comme des équations dans la vie, et tu prétends pouvoir ainsi modifier ton existence et ta vie que tu mènes ici-bas. Ceci est une annulation du pilier de la croyance en le destin. Avez-vous compris? Ceci est une critique très forte au sujet de la PNL, puisqu'il s'exprime de manière à annuler le destin al-Qadr. Aussi, quand il en parle, et un frère, qu'Allah le récompense, m'avait informé d'un autre aspect. Notre digression maintenant s'est allongée, c'est pas grave. Il m'avait dit, la démarche PNL est devenue maintenant désuète. J'ai dit, et quoi de neuf? Il répondit, maintenant une chose nouvelle est lancée, sur laquelle il organise des séminaires, à savoir, comment connaître la personnalité à partir de la signature. Rire du cheikh et des disciples, non du traducteur. Comment connaître la personnalité de chacun à partir de sa signature? Et plus largement, comment connaître la personnalité à partir de l'écriture de tout un chacun? C'est ce qui s'appelle la graphologie. Fin de cette note. Le cheikh disait, c'est vrai que cela repose en partie sur des points relevant de la psychologie, mais il y a aussi une part de spéculation, d'interprétation abusive de l'inconnu, al-ghaib. Il y a des traits de charlatanisme et de prévoyance en cela. C'est là une ingérence dans des questions dont il ne faut pas traiter. Or, celui qui aura le corbeau pour guide, de quoi va-t-il se nourrir? Il mangera des cadavres et des ordures. Note du traducteur, le cheikh Habibullah fait allusion à un proverbe ou à un vers de poésie arabe. Le poète disait « وَمَنْ يَكُنِ الْغُرَابُ لَهُ دَلِيلًا يَمُرُّ بِهِ إِلَى جِيَفِ الْكِلَابِ » Celui qui a le corbeau pour guide, il le mènera vers les restes de chiens. Fin de la note. Le cheikh dit « Celui qui prend le corbeau, qui prend la culture occidentale comme guide dans le mode de vie et qui demande de réussir, de devenir riche et heureux par le moyen de cette culture européenne, ainsi sera sa fin.